S-E-Y, poteau. Deux trémas sur le Y. Ok. Enchaînement lyrique. Certifié authentique. Écoute. Écoute. Physio beats on the beats, listen. Je m'envole, je travaille à la NASA, je pars loin, tu vois plus, tu es déjà dans les nuages, je pose un Airbus Marc Ruggier, et tu de flow, mon permis de rapper, ils me l'ont retiré, mais toujours présent dans le rap gay. Un tueur, tu peux me voir en studio, pour le rap, je laisserai pas une seule goutte de sueur, parce qu'à la base, j'en ai rien à branler, je rappe juste pas de plaisir, j'ai un du 8-5, logique que je peux pas percer, et je perdais pas mon temps à prouver le contraire, même si mon rap te tue en 3 secondes avec un revolver, t'as peur, mais de quoi frère, j'ai baisé plusieurs fois ta sœur, tu peux m'appeler beau frère, je céderai pas le rap hardcore. Tes oreilles kiffent ça, j'ai écouté l'instru, je me suis dit, je kick ça, tu es du lourd. Je rappe en poids léger, le moyen n'est pas amélioré. J'ai pas attendu Hiroshima pour montrer que je suis nocif. Je t'enferme et je séquestre. Génocide, c'est que le début de mon son. Mais du coup, c'est la fin. J'ai même pas envie, poteau, de placer un frein. En one shot, ton rap me fait vomir. Sors un album, j'ai pas besoin de taffer pendant les 5 années à venir. J'enchaîne les punchlines avec mon cul d'ouange. Le rap t'es venu devant moi, les m'a tendu la main. J'ai dit non, non. On se connaît un, j'utilise pour me faire connaître. Les autres en toi, ils croient, mais moi. Je veux pas de fortune, je sais que je suis le meilleur, je peux vivre de ça, je sais même pas pourquoi je fais des études. Tu peux pas tester un gun et un the trait. Sur ta vie je tire un gros trait. Tu des poteaux, pas de deux traits. Le métro de Paname, sur toi j'arrive à pleine vitesse. Enchaînement lyrical, limite 5, tu peux pas test. Enchaînement lyrical, c'est tu peux pas test. Enchaînement lyrical, le 8-5, tu peux pas test. Enchaînement lyrical, y'a one shot, one shot. S-E-Y, poteau, détrais-moi sur Y, moi sur Y, c'est certifié authentique. Écoute. Je m'envole, je travaille à la NASA, je pars loin. Tu me vois plus, je suis déjà dans les nuages, cousin. Airbus m'a recruté avec ses deux flots. Mon permis de rapper, ils me l'ont retiré. Mais toujours présent dans le rap, yeah. Tu peux pas tester le gars, mais en ce trait. Sur ta vie, je tire un gros trait. J'ai des photos pas de trait. Comme le métro de Paname, sur quoi j'arrive à pleine vitesse.